Annie Dembo, sais-tu que c'est toi qui mérites la médaille d'or des Jeux Olympiques de mon cœur? Est-ce que tu le sais? Un British photo na Belgique, Chrissy Banga Production, Natacha Baramoto. Roger Niwa, Bobette Mutu, Maman Keina. Horizon Masamba. Elenga koloba na yo elati nzoto o, ekomi lokola loboko ya karese o. Kitoko na yo emelisi ngai mpema, nzoka ne parmi les filles osala princesse. Dodo Wech, na Bruxelles. Mon bongo na yo déclenché ma chimie à désir. Jamais vidé ma vie élégance et à liboma. Amélissa yo, biberon. Et tape ya nzotonangai, anide mo. Les spéciales Jean-Dominique Okemba. Tu es si douce, si chaud, ami. Boko na yo elengi ye Général Dengue, l'homme qui fait la paix. Na komi notise Inye saku ilanga bolingo yo. Elengi nga na force sali koko de koma. Librement Tirado le presse de Zamunda. J'ai l'impression comme si Badonio sort. Tout autour de moi, façon comprendre. Et fait un sentiment, gana souyouka. Bati Moubenga au ciblé. J'ai l'impression comme si Badonio sort. Tout autour de moi, façon comprendre. Et fait un sentiment, gana souyouka. Kebo Bangi Berlin Zala, l'ambassadeur qui jabronne, l'ossi assassin, Jonathan Yaobu Pierre. L'amour a des raisons que la raison ignore. Edith Elicity de la carte qui gagne. Mi, la pena fuga mi, soki bazobenga ngai. Nazo répondre oui chéri. Dominique Sandra Mayele Sylvie Cameron. Je retrouve kuya caresse peine à sentiment. Nabakisi bolingo na sanya caprice. J'ajoute encore par maman bon amour. Si mangai na nzoto na kota ndoto ya bolingo nge sentima ya chimidi desi alili. Mwaye lisusu ya kosele salite na miswi mino katia lita mampo na kokanga bitsio ya yele nini. Laisse-moi danser, bita bita, je meurs d'envie. Fais-moi danser, bita mangou, je meurs d'envie. Au premier rang, la maman Komayo, Eugénie Waye, Général Nabila, Nzia Mbele, Thierry Kolaha. Jojo Mwanga, Landry Bilombi, Rose Kunga, Nanouba Sende. So vous love, vous êtes très bon, très fort en amour. Sotonangaï, complice à rythme, yan sotonaïoï. Coco Rubenga, Matinzobe Elida. Sokyo Telemi, Kanaya Nouke. Sokyo Kalingi, Kanako Pesasson. Sokyo Kumbami, Kapena Kumbake. Sokyo Zobengangaï, Naso répondre oui chéri. Junior Aziz et Tchundita. J'ai recouvert, ou y'a caressé plein d'un sentiment. N'a pas d'ici,